Question 30. Dans cette situation, il y a risque d'aquaplaning. Oui, réponse A. Non, réponse B. De collision en chaîne. Oui, réponse C. Non, réponse D.